Seigneur, c'est par la femme que la vie est entrée. Parce que c'est par nous la mort était entrée. Hey, yango soki mama telemi na libota, bomo ekotaka. Tomoni omokile koyi komona te. Yango mokonzi tika toyembe na yo, Yesu. Alléluia. Laissez-moi t'adorer de tout mon cœur. Car je connais tes bienfaits. Mama, papa na bana, mon pangu si maina mi sona.

se kwa e bata makande wana Ote biso bato na mokili tozo abomo Na mpasi na ngae Esi kankolo animoni saka Na bitumba, na boloko na yo Mafuta yanzo yebi makati na kosie Ya Davide na Goliate Wanande sika botombo la miya Davide bomba maki Mbaye ngebeni Mingi bale kaka na moto Na moto Moninga Kobanga Como ya moyenge benesa ka ya petete. No se yaka. Na fuya douleur. Mais moyenge bien aller la bande a toza na boloko. Tiens nickel en colo. A toza malade na met l'hôpital. Comme tungi sa tête. Nebi se bitu mala wes ke libana na etoninga la mi pembe. Kamalo baba yenge beni batele misanga kaka nkolo Telema Telema Telema Telema Besanga motema na yo Besanga motema na yo Besanga makasi na Kakababa nkuma Hei, zalipote toza ya mokini oyote